toucher les étoiles, devenir une comète. Tout s'est arrêté au collège, car il était temps pour moi d'avoir de la monnaie. Pendant que la daronne, si tu es chez honnête, jouais les gros bonnets avec ma bande de potos malhonnêtes. On l'a toujours pas vu ton soleil, depuis rien de sa gamberge pour te la mettre au mieux. L'agneau s'est changé en chien galeux que même la meute n'en veut pas. Je voulais tout avoir à la fois, mais j'ai eu que dalle. Une fois à la barre, tombe pas par terre, on tabasse. Pour des aveux, on tabasse. T'as vu comment la vérité te frappe en pleine tronche. Les larmes que nous versons connaîtront leur tension. En ces heures sombres, j'adoucis la pression. Malgré que dans le Vosserre, tonnerre gronde quand je pense aux gosses du tiers-monde. À ce qui paraît, tu tapes que dans la cristal. Et que t'aimerais me voir dans tes séances de fils, sale bâtard. Moi, je viens de mettre tes pompes en nul à l'heure. On veut plus tes pâtes au beurre, ni t'es des chômeurs. Mec, y'a pas de lézard, mais me dis pas que je dois l'aimer. Y'a que ma plume pour tes armes, et tu dois te protéger. Ça chauffe dans mon crâne, viens pas m'emmerder. Mec, y'a pas de lézard, mais me dis pas que je dois l'aimer. Y'a que ma plume pour tes armes, et tu dois te protéger. Ça chauffe dans mon crâne, viens pas m'emmerder. Tu sais, tout se complique quand la zig se change en business. Rares sont ces groupes qui survivent à tous ces petits stress. Moi je te vise en pleine tête, m'enrichirai discret. On veut le peloton de tête, sans être une ces putes nègres. C'est l'haïtien qui te parle, celui qui vit son drame en perso. Ici c'est le scorpion contre le verso. Attends-toi à ce que les collabos revêtissent leur cap de Zorro. Pour que les mecs en dallons finissent sans chemise et sans pantalon. Mec, y'a pas de lézard, mais me dis pas que je dois l'aimer. Celle qui m'a toujours eu humilié, moi je veux finir de villier. Chanter dans vos émissions, plonger dans ton chemisier. Faire bouger sur ma version. Alors on te snipe pour un bifond de crâne. Trop la dalle, mes potos sont trop mécras. Ils piquent grave pour la chatte, mais oublie leur en bas. Les écoute pas, ces rappeurs à 2 francs qui prennent dans le trou de balle. Tous ces PD qui se tapent pour un canal sat. Ces bouffons qui font leur cash en s'inspirant des bas-fonds. Moi je suis loin d'être un athlète, ni un coup près. Mais si je devais prendre un chèque, j'aimerais que ce soit pour ce couplet. Mec, y'a pas de lézard, mais me dis pas que je dois l'aimer. Y'a que ma plume contre tes armes, et tu dois te protéger. Ça chauffe dans mon crâne, viens pas m'emmerder. Mec, y'a pas de lézard, mais me dis pas que je dois l'aimer. Y'a que ma plume contre tes armes, et tu dois te protéger. Ça chauffe dans mon crâne, viens pas m'emmerder.